إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون إنكم تعرفون أثر المجتمع على المؤمن Oh les croyants, certes, vous connaissez l'impact de la société sur le croyant, sur les croyants. وأن الحارسين على إضلال المسلمين يركزون على ركائز عدة. Et que ceux qui s'efforcent à chercher à égarer les musulmans se concentrent sur plusieurs points. Minha al-shabab. Et parmi ces points, les jeunes. لأن شباب اليوم شيوخ غد. Car les jeunes d'aujourd'hui sont les شيوخ de demain. فإن أردت إبعاد هذا الدين عن هذه البلاد ركز على الشباب. Si tu veux donc éloigner cette religion de ce pays, alors concentre-toi sur les jeunes. Si tu égares les jeunes aujourd'hui, tu arrêtes cette religion demain. فَهَذَا هُوَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. Et donc ceci est un sujet très important. Serrez-vous, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, serrez-vous, là il n'y a plus de place sur les côtés. Et il y a encore des frères qui arrivent. لِذَا عَلَيْنَا جَمِيعًا أَنْ نُرَكِّزَ عَلَى هَؤُلَاءِ الشَّبَابِ رِجَالًا وَنِسَاءً. Et c'est pour cela que nous devons nous concentrer sur nos jeunes, hommes et femmes. فَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكُمْ نَصَائِحَ هَذِهِ النَّصَائِحَ الصَّادِرَةَ مِنْ قَلْبِ رَجُلٍ مُحِبٍّ لِإِخْوَانِهِ مُرِيدًا الْخَيْرَ لَهُمْ. Et donc, je voudrais vous lire ces quelques conseils et recommandations qui proviennent du cœur d'un homme qui aime ses frères et qui veut pour eux le bien. أولاً نصيحتي لكم أيها الشباب أن تركزوا على التوحيد لأن عباداتكم لا تقبل دونه. Premièrement, le premier conseil que je vous donne, ô les jeunes, et que vous vous concentriez sur le tawhid, l'unicité d'Allah, le fait d'adorer Allah seul, car tous vos actes d'adoration ne seront pas acceptés sans celui-ci, sans le tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, « La in ashrakta layahbatanna amaluk wa litakunanna min al-khasirin. » Si tu accordes quelconque associé, alors tes œuvres deviendront caduques et tu feras partie des perdants. ثانيا أعرف أن الوقت قد ضاق وأن أشغالكم كثيرة. Je sais très bien que le temps est serré et que vous avez beaucoup d'occupations. لكن اجتهدوا على أن تتركوا شيئا من أوقاتكم لتعلم دينكم. Et donc, on sait très bien que le temps est serré, que vous avez beaucoup d'occupations. Cependant, laissez un peu de votre temps pour apprendre votre religion. لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمور. Parce que Allah, le Très-Haut, il nous a ordonné d'accomplir plusieurs choses. وبين لنا كيفيتها. Et il nous a montré comment les faire. فيجب علينا أن نتعلمها لنؤديها على الوجه الصحيح. Et donc il est impératif que l'on apprenne ces choses afin de pouvoir les accomplir correctement. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Ce jour, c'est-à-dire le jour Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il y aura des visages humiliés. Des gens qui accomplissaient beaucoup d'actions. Amilatun nasiba. Beaucoup d'œuvres. Ils pensent faire le bien. Ils ont envie de faire le bien. Mais ils ne connaissent pas. Alors, ils le font n'importe comment. Tasla naran hamia. Ils brûlent dans un feu ardent. فيجب علينا أيها الناس أن نتعلم ما هو المطلوب منا. Il est donc impératif aux gens que l'on apprenne ce qui nous est demandé. Même 3 minutes, 5 minutes par jour de ta vie. 5 minutes par jour. Essaie d'apprendre petit à petit, petit à petit. حتى تنجو من النار. Afin que tu sois préservé du feu. ثالثا اختيار الأصحاب لأنكم تعرفون أنكم لستم خالدين في هذه الدنيا. Troisièmement, le fait de choisir les bonnes fréquentations. Car vous savez que vous n'êtes pas éternel dans ce bas monde. Bel antum musafirun. Au contraire, vous êtes voyageurs. Vous êtes ici pour un court instant. Fahris على أن تختار الصاحب الذي يعينك للاستعداد لاختبار يوم القيامة. Alors efforce-toi de choisir la compagnie, le compagnon qui va t'aider à te préparer à l'examen le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit مثل الجليس الصالح والسوء كمثل بائع المسك أو حامل المسك ونافخ الكير. L'exemple de la bonne et de la mauvaise fréquentation est comme l'exemple du vendeur de parfum et du forgeron. فأما حامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. En ce qui concerne le vendeur de parfum, c'est soit il t'en offre en cadeau ce parfum, soit tu en achètes chez lui, soit tu vas sentir une bonne odeur. أما نافخ الكير إما أن يحرق أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. En ce qui concerne le forgeron, alors c'est soit il brûle tes vêtements, soit tu trouveras chez lui une mauvaise odeur. Fahrisu ayyuhan nas. Alors faites attention à vos fréquentations. Fa in kana sahibuk la yadulluka ala al-khair wa yahuthuka ala al-shar fa'lam annaka satakunu wahdaka fi qabrik. Si ton compagnon, il ne t'appelle pas au bien, mais qu'il t'appelle au mal, alors sache que tu seras seul dans ta tombe. وليس لك أن تعتذر بكون صاحبك هو الذي دلك على ذلك. Et tu ne pourras pas t'excuser en disant que c'est ton compagnon qui t'a poussé à faire cela. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Et chaque âme sera pleinement rétribuée en fonction de ce qu'elle a accompli. Chaque âme, il ne leur sera pas fait d'injustice. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. Si seulement le jour où l'injuste se mordra les doigts et il dira si seulement j'avais suivi la voie du prophète. Si seulement j'avais suivi la voie du prophète, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme compagnon. Il m'a certes égaré du rappel après que celui-ci me soit venu. Fahrisu ayyuha shabab. Nahnu na'rif anna al-amra laysa bisahl. Et donc faites des efforts, oh les jeunes. On sait que ce n'est pas facile. La société nous appelle au péché, aux turpitudes, mais protégez-vous. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwa al-ghafur ar-rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون أنتم تعرفون خطر المعاصي على قلب المؤمن فالمعصية هي أخت المعصية التي تليها. Ô musulmans, vous connaissez le danger des péchés sur le cœur du croyant. Certes, on l'a déjà vu plusieurs fois. Le péché est la cause qui va entraîner le prochain péché. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. Ils ont une maladie dans leur cœur. Alors Allah a augmenté cette maladie. فهذه المعاصي قد تخرج المرء من الإسلام. Et donc ces péchés peuvent faire que l'homme sort de l'islam. فأنتم تعرفون أن الشباب أهل قوة وأن شهوتهم تفوق شهوة الشيوخ في الغالب. Et vous savez que les jeunes sont des gens qui ont de la force et que leur désir est supérieur au désir des anciens en général. لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب قائلا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé les jeunes en disant « Oh jeunes, oh les jeunes, khassahum bidhikr » Il les a cités eux spécifiquement, les jeunes. « Oh les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, alors qu'il le fasse. » Alors qu'il le fasse. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Et celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne, car celui-ci est pour lui une protection. Le jeûne va l'affaiblir et diminuer ses désirs et ses tentations. فَحْرِسُوا عَلَىٰ أَنْ تَصُونُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ هَذِهِ الذُّنُوبِ الْكَثِيرَ الْمُنْتَشِرَةِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ. Alors, faites les causes pour vous préserver de ces péchés qui sont nombreux et répandus dans ces pays. وَلَا تَتَهَوَّنُوا مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ. Et ne méprisez pas la fitna, la tentation des femmes. Combien sont ceux qui disent, non, moi je ne ressens rien. Ah non, c'est rien. C'est rien du tout. Je suis fort, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et combien sont ceux qui, après avoir dit cela, tombent dans le péché? Ne te sens pas fort. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été forts, qui ont tout fait pour propager cette religion, qui ont donné leur vie, ne se sont pas montrés forts devant la tentation des femmes. Car ils ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit dans Sahihayn, « Ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. » Je n'ai laissé aucune fitna après moi qui soit plus dangereuse envers les hommes que les femmes. Alors faites attention, ô les jeunes, préservez-vous, protégez vos propres personnes, et les sœurs aussi, protégez-vous, faites attention, éloignez-vous de toute cause de turpitude. Et en réalité, vous méritez bien plus que cela comme conseil. Mais vous savez que le temps est court, et que je n'ai pas le temps de tout évaluer, de tout citer. Et on va essayer, bi'idhnillahi ta'ala, de temps en temps, de vous accorder un peu de temps, un peu plus de temps. Et je sais pertinemment que nous sommes négligents vous concernant, qu'on devrait accorder bien plus de temps que cela aux jeunes. Des cours spécifiques pour les jeunes. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite, la force et le temps pour vous donner vos droits. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك